sépulture. Elle compte sur sa croix. Ah mon Dieu, quelle allure! La tête en caniveau, le surin dans l'épaule, trois bastos dans la peau, et tu gueules mort au cogne. Un curé pédophile, la chef d'une prière, et d'un coup de talon, t'expédie au cimetière. À travers mon délire, je sens venir la nuit. Il est temps de s'enfuir, l'hexagone pourri. Écarchérisé par monsieur mégalo, cauchemar alcoolisé, la justice au poteau. Pour ta légion d'honneur, qui peut te la mettre dans le fion? Ça fait bien trop longtemps, tu nous prends pour des cons. On va poser pareil, ainsi que la Marseillaise, monsieur le président, le cul entre deux chaises. L'hexagone pourri, cité carchérisée par monsieur mégalo, cauchemar alcoolisé, la justice.